J'vis des ambiances trop bad. Quand c'est l'heure du casse-pipe, quand c'est l'heure de la promenade. J'ai tous quand je fume et je me confie quand je bois. Quand les keufs me questionnent, je ne sais dire que je sais pas. Ne me jugez pas, je vole quand j'ai pas. Sinon à part ça, je cherche du taf et je suis pour l'équipe du Barça. Je vends de la drogue par nécessité. Cambriolage, séquestration. Au parquet, bien souvent, je suis impliqué. Quand je dors pas chez les keufs, je dors chez ma meuf ou à l'hôtel. Et j'ai la gaule quand le keuf se mange un cocktail. Puis le soir, dans l'escalier, souvent je marche sur des seringues. Je fouille les placards à gaz et puis je tombe sur des flingues. Les grands m'envoient à la pharmacie pour leur acheter des Rypnol. J'ai un casque sur mes oreilles, je révise mes clés de sol. Avec les potes en bas, on a acheté une super 5. On va souvent manger des crêpes et puis insulter les timbres. Je suis un mec comme tout le monde, j'ai ma fierté, mes principes. Je pourrais mourir pour mes gars, je pourrais pas baisser mon slip. Je dépanne la daronne, je dépanne le daron. Je tourne en compète, souvent je vends des litrons. Toute la journée devant le hall, la nuit devant le hall. J'écris mes textes au quartier, j'écris mes textes en tôle. J'ai fait les 400 coups, j'ai des amis partout. J'ai des ennemis partout, oui j'ai un drôle de parcours. Pas question de vivre avec le revenu minimal. Hier à l'hôpital, on accouchait d'un mini-moi. Je veux voir la sécurité sociale, les allocs familiales. Et puis la CMU, quand il me regarde, je suis ému. Mes parents s'en foutent de lui, sont un peu dégoûtés. Car je l'ai eu hors mariage, mais bon, ils vont accepter. Je suis comme tout le monde, moi, j'ai des sentiments. Quand mon meilleur ami meurt, et ben je pleure à l'enterrement. Tu sais, on n'est pas nés sous la même étoile. Arrête, moi et Le Pen, on n'est pas nés sur la même planète. Comme tous mes potes, je hais les racistes. J'aimerais gagner au tiercé et me barrer d'ici. Chez moi depuis l'époque des couches, tu sais, on hait les bouches. Le bonheur est tellement loin que pour le voir, je louche. Range ton gun, jeune, personne ne peut rien contre moi. Dieu m'a donné la vie, un jour il me la reprendra. J'ai la conscience, les mains sales, squatte la mission locale. Tantôt je cherche du taf, tantôt je tire des tafs. Jeune Marocain, Casablanca dans mon cœur. Crédit lyonnais dans ma tête, rougi par les inspecteurs. Alors je traîne au quartier, ambition de caïd. Et puis quand t'as de l'argent, ben c'est tous les jours l'Aïd. Quand t'en as pas, malheureusement, c'est trop souvent le ramadan. Le pouce en l'air, mais la caisse du succès ne voulait pas m'attendre. Au quartier on vit souvent, les uns sur les autres. Les uns contre les autres, jamais les uns avec les autres. Je me débrouille tout seul, je trouve mon chemin sans boussole. Dans ma cellule je me sens aussi seul que devant ma console. Merci de m'écouter, de me porter un peu d'attention. Parce que jusqu'à présent personne l'a fait. J'ai bien vécu, j'ai tout fait. Là où les embrouilles se créent, je m'en bats les couilles. Pour moi le square n'a plus aucun secret. J'ai rien d'extraordinaire. J'suis comme ton père, ton oncle ou ton frère. J'ai tout fait. J'suis tombé, j'suis sorti. J'ai taffé, j'ai écrit. J'suis père. Je traîne au quartier. J'suis perdu sans repère. J'cherche du taf. Tout va bien jusqu'à présent. La seule chose qui cloche, c'est que je viens d'avoir 16 ans.